إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سمعتم في الخطبة الماضية كلاما حول الأمراض التي تنتشر في العالم. Vous avez entendu lors du discours précédent. Vous avez entendu lors de la khutba précédente un discours concernant les maladies qui se propagent sur terre. واليوم كلامنا حول هذا الفيروس المعروف بكورونا. Et aujourd'hui, le sujet du discours concerne ce virus qui est connu par le nom de Corona. فقد انتشر هذا البلاء في بلاد كثيرة. وأخاف العالم كله وزارة الصحة ووزارة الداخلية والخارجية كلهم يسألون ماذا نفعل كيف ننجو منه. Cette maladie, ce mal, cette épidémie s'est propagée dans beaucoup de pays et a fait peur à la terre entière. Le ministère de la Santé s'interroge, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Affaires intérieures, s'interroge, que devons-nous faire? Quelle est la solution? Comment être préservé de celui-ci? Serrez-vous les frères, barakallahu fikoum, il y a encore du monde qui arrive. Comment être préservé de celui-ci? Ibadallah, hadihi. آية من آيات الله لعلنا نخشى ونرجع إليه تائبين. Ô serviteur d'Allah, ceci est un signe parmi les signes d'Allah, afin que nous le craignions et que nous retournons vers lui, repentant. فانتبهوا عباد الله فإن الله شديد العقاب وعزيز ذو انتقام. Alors prenez garde, ô serviteur d'Allah, car Allah est dur en punition et aussi il est le puissant, le détenteur du pouvoir de punir. لا تظنوا أن التكنولوجيا تحميكم من أمر الله تبارك وتعالى. Ne pensez pas que la technologie peut vous préserver du décret d'Allah تبارك وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Certes, on m'écrut ceux qui ont dit que Allah est le Messie, fils de Mariam. Dit, qui détient quelque chose pour empêcher la volonté d'Allah, s'il veut faire périr le Messie, fils de Mariam, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Et certes, Allah est capable de toutes choses. وَلَا تَظُنُّ أَيُّهَا النَّاسِ أَنَّ النَّاسِ لَوْ كَفَرُوا وَاجْتَمَعُوا وَتَعَاوَنُوا أَنَّ تَعَاوُنَهُمْ وَاجْتِمَاعَهُمْ سَيَنْفَعُهُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Et ne pensez pas que les gens de la terre, s'ils m'écroient, et désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils se rassemblent, et qu'ils s'unissent, s'entraident, ne pensez pas que cela va leur servir à quoi que ce soit contre le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ لَنَا الْأُمَمَ السَّابِقَةَ وَكَيْفَ أَهْلَكَهُمْ. Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité les peuples précédents et comment il les a fait périr. فَذَكَرَ قَوْمَ نُوحٍ, il a cité le peuple de Nuh, ainsi que le peuple de Ad. ثَمُود, il a aussi cité le peuple قَوْمَ لُوطٍ وَقَوْمَ فِرْعَوْنَ, le peuple de Lut et le peuple de Pharaon. Puis فَمَعْدَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et ensuite, après cela, Allah le Très-Haut, après avoir cité comment il les a fait périr, il a dit أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ. Est-ce que vos incroyants sont meilleurs et plus forts que ceux-là? Est-ce que vos incroyants sont meilleurs et plus forts que ceux-là? Ou alors vous avez une immunité dans les Écritures? Ou alors disent-ils, nous sommes un groupe, ensemble, et nous allons vaincre. Nous sommes un groupe ensemble, et nous allons vaincre. C'est Yuhzamul Jam'a. Alors, ce groupe sera vaincu. Ce groupe sera vaincu. Wa yuwalluna ad-dubur, et ils vont se détourner. Bani sa'atu maw'iduhum, mais l'heure, leur finale est leur rendez-vous. Et cette heure finale, Adha wa Amar, elle est plus terrible et plus amère. Elle est plus terrible et plus amère. Fayajibu alayna an narji'a ya ibadallah. Nous devons donc revenir vers notre Seigneur. Faites technologie. Wal ijtima' bel wa ijtima'u d-duwal la yanfa'una min amrillah. Et donc la technologie et l'union de tous les États ne peut nous être profitable contre le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Femel wajibu alina. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il nous incombe donc de faire aux serviteurs d'Allah? An narji'a wa nastaghfir. Que nous revenions vers notre Seigneur et que nous implorons son pardon. Comme l'a dit Nuh à son peuple. Lorsqu'il dit Fekultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Alors j'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Il est certes le grand pardonneur. Il fera descendre sur vous de l'eau abondante et bénéfique et vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Et il vous accordera aussi des paradis, des jardins, ainsi que des rivières. Voilà ce qui nous est obligatoire aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le Très-Haut qui dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, alors celui-ci lui accorde une issue. Et il dit aussi tabaraka wa ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, alors celui-ci lui accorde dans sa situation une facilité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه البخاري ومسلم cité dans leur recueil respectif selon عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه qui dit j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire si vous entendez que celui-ci est présent dans un pays, dans un endroit, c'est-à-dire que cette maladie, que cette épidémie est présente dans un endroit, alors n'y allez pas. Et si vous entendez que celle-ci, et si celle-ci descend dans un pays alors que vous y êtes, alors ne sortez pas de ce pays en cherchant à fuir. Fahad al-Hadith. يدلنا على أهمية الأخذ بالأسباب في المحافظة من هذه الأمراض. Ce hadith, il nous montre l'importance quant au fait d'accomplir les causes pour nous préserver de ce genre de maladie. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض إذا كان بأرض فلا نذهب إليه وإن كان في بلدنا فلا نخرج منه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que la maladie, si elle est présente dans un endroit, alors nous n'y allons pas. Et si elle est présente chez nous, alors nous ne sortons pas. Wa min al-asbab ad-du'a. Et parmi les causes pour nous préserver, il y a aussi l'invocation. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'en prennent d'orgueil quant à mon adoration rentreront en enfer humiliés. Waqad akhraj an-Nasa'i fi Sunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Et certes, An-Nasa'i a cité dans son recueil As-Sunan, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم disait, le prophète صلى الله عليه وسلم qui faisait cette invocation, celui que Allah tabaraka wa ta'ala, il le préserve, alors que dire de nous-mêmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la folie et contre la dépigmentation, la lèpre et aussi toute mauvaise maladie. » Fa'akthiru min ad-du'a ya ibadallah. Et donc invoquez beaucoup votre Seigneur et revenez vers lui repentant. Et n'oubliez pas qu'il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa aqimus salat.